mes yeux sur toi se sont posés. Je t'ai suivi, tardant Paris. Tes pas savaient où m'entraîner. Je suis allé jusqu'à Orly. C'est un accroc près du genou qui fit monter tout mon désir. Tes bas filets m'émurent beaucoup, échantillons de grands plaisirs. Bleutés ou noirs, couleurs de nuit, gancés d'un rien de fantaisie, elles sont soumises à mes envies. Les jambes des belles que je poursuis, le vent d'hiver et les avions montaient tes jambes plus haut que ciel. Les lumières rouges et les néons me rendaient ivre avec deux ailes. Le kérosène, les bruits d'Orly et ton allure et ta dégaine m'ont rendu fou sans alibi. Le sang tapait fort dans mes veines. Bleutés ou noirs, couleurs de nuit, gancées d'un rien de fantaisie, elles sont rebelles à mes envies. Tes jambes si belles que je poursuis, dans ton ivresse tu as frémi. Quand mes deux mains t'ont harponné, tu as crié fort dans la nuit. T'as dit amour et j'ai pleuré. Sur la passerelle tout près d'Orly, dans ta folie j'ai vu la mienne. Tes jambes enfin pour nos délits me survolaient piste aérienne. Bleutés ou noirs, couleurs de nuit, gancées d'ivresse et de folie, elles sont l'écho de mes envies. Tes jambes que j'aime sans alibi, ton corps transi, tes yeux si beaux m'ont fait hurler sous les étoiles. Tes mains si douces là sur ma peau ont dans ma tête tendu un voile. J'ai dérapé de la passerelle et dans mon âme l'image en rouge de toi, ma femme, ma citadelle. Je suis heureux, plus rien ne bouge. Bleutés ou noirs, couleurs de nuit, les rêves sont mon alibi.